Radio Plus Productions présente. Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Alors les permanents de l'équipe à ma droite, vous ne connaissez que lui. C'est le Jurassic Park des ondes. Ah là là. Et oui, et ça fait quand même un moment. Un jour, je vais te montrer mes dents. Tu vas voir. Oh, oh, oui, moi aussi. C'est Bob du club. Salut les filles. Un autre dinosaure de l'émission. Comment il s'appelle celui-là? Parce que Bob c'est un diplodocus, oui. Mais Maurice c'est un tripotanus. Bah, Maurice. Je sais pas si je vais dire bonsoir quand même. Ah bah si. Oh si, dis bonsoir et casse-toi. Oh non, mais c'est avec Maurice. Allez, salut à tous. Ah non, parce que Maurice a plusieurs choses importantes dans l'émission. Oui. Il a des blagues qu'il reçoit donc d'auditeurs et qu'il va nous raconter. Ah bien, du premier coup. Voilà. Il a également des roulettes russes que lancera l'invité. Oui. Ça, tu verras ça tout à l'heure. Et puis, bien sûr, en fin d'émission, le jeu de la photo mystère. Ah, on peut pas m'épargner ça. C'est pas non, non, c'est pas possible. Et puis là, t'es tout seul cette semaine. Donc, face à eux, une autre équipe composée par lui aussi un permanent, puisque indétrônable, on ne peut pas s'en passer. Bah, c'est j'arrive plus à bouger, donc je reste là d'une semaine sur l'autre. Un talent extraordinaire. Il n'en fait pas trop. Beaucoup, très fin, très léger. Monsieur est beau. Maman dans ta gueule, elle va être légère. En fait. Frédéric Coster. Bravo. Bravo. Alors avant de parler de l'invité, Frédéric Coster, une petite promo. Actuellement à l'affiche. Ah bah écoute, oui, jusque... Eh bien merci, Frédéric Coster. Jusqu'à fin octobre, au Comic Hall, le vendredi à 21h, enfin 20h45, comme ça on commence à 21h. Et puis bientôt, au Théâtre d'Edgar, dans les emmerdes, sonne toujours deux fois. Ah, très bien, bah, ça on en reparlera, je pense. On en reparlera, ça, croyez-moi, on va en reparler. L'émission sera réalisée par Davy, comme chaque semaine. Bravo. Animée par Philippe Bello. Oh bah ça va donc être une très bonne émission. Alors, comme chaque semaine, Frédéric, un invité, nous a rejoint. C'est pas la première fois qu'il vient. Il était venu avec son compère Ricky il y a, ça fait 2 ans maintenant. Une dizaine d'années, Et il s'agit t'as de... T'as vraiment pas vieilli. Mais ta gueule, je fais la promo. Il s'agit de Gilles Alma. Merci beaucoup. Merci. Très content de le recevoir à nouveau. Eh oui. Merci. Ah oui, merci Gilles, de m'inviter. Merci de m'inviter. Gilles, t'étais venu dans notre ancien studio. C'est ça. T'as vu, maintenant on a monté. Vous l'avez fait brûler, vous êtes venu ici, c'est voilà, ça. Voilà, on est parce que maintenant le studio est donc au 7e étage. Oui. Ouais, 7e sans étage. Ascenseur. Sans ascenseur. Voilà. C'est pas facile. Et à l'époque, donc, t'étais en duo et maintenant tu te lances tout seul. Bah voilà, non, on était. Ouais, c'était pas un duo. Enfin, on faisait une demi-heure chacun. Voilà, on se touchait un petit peu derrière les rideaux, tout ça. Ah oui, attends, il faut ce qu'il faut. Tu sais qui va écouter l'émission. Et voilà. Et il va mettre j'aime sur Facebook en plus. Non, bah voilà, oui, tout seul maintenant, tout seul sur scène. Ouais, ça faisait un moment que je voulais faire ça. Et voilà, avec Ricky, c'était un avant-goût. Et voilà, maintenant vous avez le goût tout court. Et alors, le titre du spectacle, Gilles Alma n'a pas un physique facile. Eh oui. Alors, ce qui est dommage, c'est que GG, qui habituellement est là, n'a pas pu venir ce soir. Sinon, il aurait dit, mais ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est? Mais papapi et papapa, mais j'ai connu plus moche. Pourquoi ce titre? Eh ben, écoute, c'est très simple, parce que je suis beau. Ah. Ben voilà. Et oui, non, mais il faut assumer de temps en temps. Non, non, j'explique en fait. T'as raison, moi j'ai du mal à l'assumer maintenant. Ta gueule. J'ai rien dit, moi. J'explique en fait que être beau gosse en fait c'est pas parce que attention hein, je dis que je suis beau gosse parce qu'on me le dit enfin les femmes me le disent certains mecs aussi, et les intellectuels bien alors sûr. Avec Frédéric faut quand même que je te prévienne il y a une grosse différence quand même entre voilà, les deux. Il y en a un qui est coupé à coup de serpe hein, le visage coupé et l'autre qui est c'est moche oui c'est moche mais... sauf qu'il y en a un des deux qui peut te foutre sur la gueule très vite. Alors avec Frédéric, ou peut-être les deux. Et si tu me donnes de l'argent, peut-être les deux. Et voilà. Avec Frédéric, il faut faire très attention à tout ce qui touche au physique. Il faut surtout pas déraper, tu vois, avec des. Parce qu'il prend des notes. Ah ouais, je vois. Il est en train de faire un petit chèque. Tu fais un chèque. Bon, ça va pas se tonner, c'est ça. Donc là, le spectacle, la promo théâtre. Attention. Ah, la promo théâtre. Si vous voulez voir Gilles Alma. Oh. Ça commence sur le nom. Attends, on a l'impression que tu as dit, si vous voulez voir Gilles, à la mare. À la mare. En train de pêcher? Oui, à la mare. T'inquiète pas, Maurice, c'est top pour la promo. Non, je vois ça. Alors, Maurice, ça top promo. Alors, pour aller voir Gilles Amar. Mais non. Alma. Mais parce qu'il n'y a pas de R derrière, hein. Non. Alma. Mais pourquoi pas Amar finalement. Oui, pourquoi pas, hein. Mais enfin, sur Billard-Duc, t'es sur Amar. Il y a bien un Jean. Alors Gilles Amar. Il y a bien un Pierre Belmar. C'est vrai. Allez. Si on pouvait quand même, Maurice, avoir la Maurice, promo. On t'écoute, s'il te plaît. Oui. Pour aller voir Gilles Alma, c'est tous les vendredis et samedis à 20h30 au théâtre Bourville, qui se trouve 11 rue des Boulets dans le 11e arrondissement. Ne me regarde pas comme ça, Fred. C'est toi qui as créé la rue. Hein. Métro Nation ou rue des Boulets. Très bien, oh, c'est pas mal fait, oui. C'est parfait. Alors, et de quoi parle ce spectacle? Eh ben, comme je te disais, ça parle beaucoup de ma vie, des problèmes depuis l'adolescence, quand on est tout seul dans la cour de récréation et que personne n'ose te regarder parce que il y a la technique du je te regarde, je te regarde pas, qui en fait, quand les filles sont amoureuses de toi, elles osent pas te regarder. Ouais. Donc, on a l'impression d'être seul au monde. Voilà, c'est fou, hein, c'est des trucs incroyables. Des fois, elles font. Oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Et donc voilà, et puis ça passe par ma vie, la rencontre d'une femme, ça raconte toute ma vie de façon humoristique. Donc c'est autobiographique. Il y a pas mal de choses vraies, qui sont parties dans les. Oui, Frédéric, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y, je te laisse finir. Non, qui sont parties dans l'humour et que j'ai exagéré, bien entendu, mais il y a pas mal de choses vraies, ouais, effectivement. Alors moi, j'avais une question à poser à Gilles. Vas-y. On en a parlé hors antenne, parce que Gilles n'est pas que humoriste. Je vous l'apprends peut-être. On voit souvent Gilles dans des téléfilms, des séries, des choses comme ça à la télévision. Oui. Moi, je voulais revenir sur ton passage dans la série Les Bleus, où tu jouais. Alors, c'était un nom genre arménien, mais je Greg Manoukian. Manoukian. Et alors, Clémentine Célarier, qui te présente à l'équipe, enfin qui parle de toi à son équipe, dit voici donc Greg Manoukian. Je sais plus comment. 1m87, 90 kilos. Micro pénis, dommage. Alors je voulais savoir si le scénariste te connaissait personnellement ou si c'est. Bah oui, c'est ça. C'est que le casting ils m'ont fait. D'accord. Voilà, c'est tout c'est nu ça. Et voilà, donc ils ont. Rien n'est inventé. Non, c'est une question. Le public a le droit de savoir. Mais oui, non, mais c'est normal. Je comprends. Je comprends cette envie, ce désir d'aller au fond des choses. Oui. Donc, tu vas voir Gilles que cette émission n'a pas beaucoup changé. Il y a toujours beaucoup de divertissement, à boire, à manger. Donc, on l'a dit, des blagues de Maurice, des mouches écrasées par Maurice sur la table, qu'il a mis dans son verre, mais qu'il boira avec facilité. Ça fait des protéines. Des blagues coupées au montage racontées par Bob. et surtout, il y a des épreuves. Cette émission est une épreuve. La première, c'est le baptême de l'équipe adverse, car oui, comme chaque semaine, vous formez deux équipes. On dirait Alain Decaux. Deux équipes qui vont s'affronter pour gagner des points tout au long de cette soirée et bien sûr remporter la victoire en fin de soirée. Donc, Bob et Maurice, comment souhaitez-vous baptiser l'équipe de Gilles et Frédéric? Les croquignoles. Voilà. C'est bien ça. Ouais, ça me va bien, moi. J'aime les croquignoles. Par contre, Gilles, c'est à toi de les appeler. Ah. Déchaîne-toi. Magnum et Derrick. Magnum et Derrick. Hein. Ah bah oui. Bravo. Ça a déjà été fait, ça, non? Non. Ah bah écoute. Non. Enfin, si ça vous va bien. Ouais. Ça vous va bien. Bien, voici donc Il a morflé, Magnum. Oui. Derrick, il a pas changé. Mais Magnum, il a morflé. Ouais, on dirait plutôt le chien, mais. Avec cette première question. Ah. Alors, si t'as la réponse. Je me tais. Non, à fond la caisse. Chaque pays, vous le savez, a une fête nationale. Oui. Qui correspond normalement à un événement traditionnel du pays, historique, etc. Oui. Voilà. Et donc, je voudrais vous demander Brésil, à quoi correspond. Au Brésil, la fête nationale, c'est l'opération d'Amandali. Je voudrais vous demander à quoi correspond la fête nationale d'Irlande le 17 mars. Eh ben, alors là. Le premier fût de bière qui a été tiré. Non. Non, c'est l'indépendance. Non. C'est un rapport avec l'alcool. Non. Avec les rouquins. Non. 17 mars. Ah, la Saint-Joseph ou la Saint-Patrick. La Saint-Patrick. Bah oui, bonne réponse de Bob. Et ben voilà. Eh oui, la Saint-Joseph. Juste après la pause, nous allons solliciter Maurice pour une blague envoyée par un téléspectateur dans son adresse e-mail. Restez bien à l'écoute. Si t'as rien compris à cette phrase, on t'explique après. Voilà, restez bien à l'écoute. On revient juste après avec Gilles Alma. Retournons à Basse-Marais avec Gilles Alma. Qui vient nous voir pour son spectacle. Gilles Alma n'a pas un physique facile. Dans un théâtre que l'on aime, Maurice. C'est le théâtre Bourville, qui se trouve 11 rue des Boulets dans le 11e arrondissement. Le métro, c'est Nation ou rue des Boulets. Pour la réservation, c'est au 01 43 71 74 60. Et il ne faut pas oublier que Gilles Alma a été... Que Gilles Alma a été élu homme idéal 2011 pour les lectrices de Rustica. Ah, excellent. Ah, mais c'est vrai que Maurice, tu es abonné à Rustica. Non, pas du tout. Non, c'est vrai. Non, lui, il c'est Rusticon. Non, il est abonné à Astica, lui. Alors, juste une parenthèse pour le théâtre Bourville, qui est dirigé par. Excuse-moi, Philippe, je voulais juste faire une parenthèse. Maurice croit que c'est vrai ce qu'il vient de lire. Oui, non, mais c'est. Non, mais c'est vrai. Et moi, je voulais faire une autre deuxième parenthèse pour dire que le théâtre Bourville est dirigé par des gens qu'on connaît très bien, qui sont des gens passionnés de spectacle, Arlène et Georges. Georges Clerc, oui. Qui sont dans le spectacle depuis de nombreuses années. Ouais, ça, c'est pas sûr. Fait du cinéma. Et qui, qui ont été les passionnés de cinéma et qui ont tourné le dernier film de Bourville. C'est vrai. Qui n'a jamais été diffusé. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est une... C'était le cercle rouge, le dernier. Absolument pas. Ils en ont un autre derrière. Ah, ouais. Un film avec un chien. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai. Que un truc que j'ai eu le bonheur de pouvoir voir. Ils ont un très beau film, très touchant, avec Bourville, qui n'a jamais été distribué et jamais ressorti des cartons. Et ouais. Ben voilà. Mais que fait la Cinémathèque? On se demande ce qu'ils prennent, ce qu'ils font à la Cinémathèque. Bah alors, les auditeurs envoient chaque semaine à Maurice dans son adresse e-miel de nombreuses blagues. Dans son adresse e-miel. Maurice, dans son adresse e-miel. E-miel, oui. Alors c'est radio.ovsmg@gmail.com. Oui, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Non. Alors, c'est de Jean-Paul. Ah, de. Il m'a pas mis la ville. Bon. Alors, je suppose qu'il est à côté de Lyon. D'accord. Tu vois. Hein? Ah. Alors, comment appelle-t-on. Je vous dis, oui. Oui, tu nous déranges. Comment appelle-t-on un sorcier qui fait de la magie noire avec un yaourt? Un sorcier, hein? Oui. Qui fait de la magie noire avec un yaourt. Ah là, on voit pas blanc, c'est ça. Un faux mage blanc. Est-ce que tu as remarqué comment il est fier de sa blague? Il a pas foiré, là. Il l'a pas foiré, mais elle est con quand même. On vérifie si on est capable de faire mieux que Maurice. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Allez, Maurice. Ah oui, c'est moi déjà. Ah bah oui. C'est par toi que écoute, ça commence. Kevin, enlève tes doigts du nez de grand-père. Kevin, laisse grand-père tranquille. Kevin, t'arrêtes ou je referme le cercueil. Alors, quelques conseils d'investissement. Vous savez que la bourse va mal. Dans l'or, tu te fais tatouer 1 euro sur le sexe. Oui. Hein? Ceci te procurera 4 avantages qu'aucun produit ne pourra t'offrir. Premièrement, vous ferez croître facilement votre investissement. Ça dépend. Deuxièmement, vous prendrez plaisir à toucher votre argent. Troisièmement, vous serez le seul à décider où le placer. Quatrièmement, et vous verrez pas d'inconvénient à ce qu'une femme vous en pompe vos économies. Oui. C'est fini. C'est tout. Bravo. Mes bien chers frères, vous le savez, Jésus a été crucifié sur une croix au-dessus d'une colline. Oui. Bien sûr. Dans l'histoire, on le sait, personne ne devait l'approcher, sous peine de recevoir des pierres et de se faire transpercer par des lances et des flèches. Alors, Jésus appela Pierre, son disciple. Pierre ! Pierre ! Et Pierre vient voir. Pierre commença à monter la colline, mais il se reçut des pierres, il se reçut des lances, il se reçut des flèches. Presque mort, Pierre arriva devant Jésus en rampant et lui dit « Oh ! Jésus, qu'est-ce qu'il y a ? » Et Jésus répondit, « On a une belle vue sur ta maison d'ici. » Alors, on estime en moyenne que l'homme dit 5000 mots par jour et que la femme dit 7000 mots par jour. Vous savez. Le problème, c'est que quand je rentre du travail, j'ai fini mes 5000 mots alors que ma femme, elle a pas encore commencé ses 7000. Alors, une blague de Gilles Alma. Donc, c'est une tournée de blagues avec une blague, celle de Gilles Alma. Merci, c'est ça, oui. Non, moi, je vais dire une blague de mon spectacle, comme je vais t'attaquer avec les religions. Est-ce que vous savez pourquoi il y a une barre sur le chiffre 7? Il y a une barre sur le chiffre 7. Ouais, oui, il y a une barre. Ouais. Eh ben, je vous explique. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements, oui, il a lu les lois une par une. Oui. Il est arrivé au 7e commandement, il a lu « Tu ne désireras pas la femme de ton prochain ». Et là, tout le peuple a gueulé. Moïse, barre le 7. Tu le barres le 7. C'est pas faux. Eh oui. Bon, pour refermer ce moment culturel de l'émission, ça va être la roulette russe. Et la roulette russe, c'est très simple. Nous lançons une roulette russe en te proposant une liste de mots. Ces mots correspondent à des blagues hystériques de Maurice. Non, historiques. Ah oui, les deux. Et donc, tu arrêtes cette roulette russe quand tu veux en disant stop et automatiquement. Je sens que je vais bien tomber. Immédiatement. Oui, sans. Instantanément. Sans aucune note. J'espère que t'as pas une liste, hein. Sans aucune note. Puis sa liste. Maurice raconte sa blague. Très bien. Bien entendu. J'ai hâte. Il s'adresse à toi te la raconte pour toi. En one-on-one, les yeux dans les yeux. Attention, top roulette russe. Poussin, Maya l'abeille, clocher, perchiste, top, top. Ah, dès qu'il y a des histoires de lance. C'est deux perchistes qui se rencontrent. Il y en a un qui dit à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Mon cher Gilles Alma. Tu peux lui dire, merci. Oui, tu peux dire, mon cher. Je suis là, je t'écoute, moi aussi. C'est deux perchistes qui se rencontrent. Ouais. Ouais. C'est quoi le nom des perchistes? Je sais pas. Ah, bah si, non, mais c'est important la blague quand même. Qui ça met un peu de crédibilité. Non, pourquoi? Il n'y avait pas de nom à l'original. Bah, oui, mais justement. Non, mais ça met de la crédibilité, ça nourrit. Voilà. Oui. Voilà. Non, si, si. Non. Ah, bah si, il a raison. Romain Ménil et Jean Galfion. Galfion. Voilà. Alors, hop. Galfion. Allez, Galfion. Galfion. Allez, c'est des vrais perchistes. Alors, je me cache, comme ça, je ne t'influence pas. Galfion. Voilà, alors, hop, Galcien, allez, vas-y. Mon cher Gilles, ces deux perchistes, Jean Ménil et l'autre, comment il s'appelle? On vient de te le dire. Galcien. Voilà. Alors, hop, reprends. Ils se rencontrent. Non, reprends, on pourra pas la diffuser. On pourra pas la diffuser. Elle est pas entière. J'en peux plus. Ah bah non, ouais. Ouais. Bah, Frédéric, alors, ces deux perchistes qui se rencontrent, c'est Jean... Jean Ménil et Jean Galfion. Et Jean Galfion qui se rencontrent. Oui. Il y en a un qui lui c'est dit... Romain Ménil. Hein, oui, Romain Ménil, oui. Enfin, c'est son frère. Ah. Il y en a un qui dit à l'autre, tu pourras jamais sauter tout ça. Ah. Et l'autre lui répond, si, je signe... Oui. C'est dans l'autre sens. Je persiste et je signe. Ah, elle était vieille, celle-là. Est-ce que tu connais la filmo de Claude Lelouch, Gilles? La filmographie de Claude Lelouch, oui. Oh, pas tout. Parce qu'il a un film, il a fait un film qui correspond tout à fait aux histoires de Maurice. Ah, c'est lequel? Tout ça pour ça. Bon, allez, on revient dans quelques instants avec Gilles Alma. Ouais. Retourne, on va se marrer avec Gilles Alma. Ouais, ouais. Gilles Alma qui n'a pas un physique facile. Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Si. J'ai un physique facile? Oui, très facile. Ah, d'accord. Ah, alors, mais moi, tu n'es pas Maurice, un homme facile. Est-ce que tu peux nous faire le pitch du spectacle, comme c'est au dos du flyer? Voici le pitch du spectacle par Maurice. Il a déjà un problème dans la fidélité. Il a une solution. Il reste fidèle quand même avec tout ça. Non mais tu lis, c'est pas n'improvise pas, lis. Vous l'avez vu dans Vilaine. Bienvenue à bord. Et l'autre? Et l'autre est dans d'autres téléfilms. Hein, je vais pas tous les nommer ici, hein, bien sûr. Ah bon? Voilà, bon, et si vous voulez le voir, faut venir le voir le vendredi et le samedi à 20h30 au Théâtre Bourville dans le 11e arrondissement. À Paris. À Paris. Dans, oui, le 11e arrondissement, Philippe. Oui, je te rappelle. Ça peut être à Lyon. Hein. Je te rappelle qu'on est écouté à Lyon et à Marseille. Ah, exactement. Oui. Mais le métro Nation, c'est à Paris et la rue des Boulets, c'est à Paris aussi. Tu le confirmes. Je confirme. À propos de Paris, on parle de Marseille, de Lyon où on nous écoute. T'as déjà prévu des petites dates en province? Non, j'ai rien de prévu, non. Non, donc en prospection quoi. En prospection, ouais. D'accord. Ouais. Donc les salles de spectacle. Ah oui, je suis en région qui nous écoute. N'hésitez pas, gilalma.com, voilà. Gilalma.com. Vous envoyez un petit mail. T'as oublié de dire le site. Aucun problème, voilà. J'ai déjà tourné à Marseille. Là, comment ça s'appelle? J'ai tourné Kingrid Chauvin, les Toqués. Là, c'est un truc qui passe. Ah oui. C'est à Marseille, voilà. Bah, elle s'est mariée avec un des mecs de la ouais. salle. Ouais. Le... Je suis très people. Dans l'émission. Premier assistant, voilà. Dans l'émission, avant d'écouter un extrait de ton spectacle. On a l'obligation de faire une petite pause d'actualité. Voilà, comme si tu veux, c'est pour bien mettre en valeur tes extraits. D'abord, on fait autre chose. Comme ça, tu ne peux paraître que bien. Voici un flash très spécial. Flash très spécial. Excusez-moi, mon micro était coupé. François Hollande, vous apparaissez largement en tête dans les sondages pour la primaire. Alors, que ferez-vous si vous êtes choisi? Eh bien, alors, écoutez, Philippe Bello, la question est très simple. Eh bien, je proposerai à tous mes camarades des primaires. Oui, parce que j'ai failli dire à tous mes camarades primaires. Non, c'est à tous mes camarades des primaires de rester à mes côtés. Ah, mais c'est bien, là, c'est fair play. Oui, je proposerai à Martine Aubry d'être ma femme de ménage, à Arnaud Montebourg, mon chauffeur, et à Manuel Valls, mon jardinier, puis Jean-Michel Bailey, mon inconnu, qui sert à rien, mais qu'on cite quand même. Ah, il en manque une, Ségolène Royal. Oui, ah non, merci, j'ai déjà donné. Le Sénat est donc passé à gauche. Une claque pour vous, Nicolas Sarkozy. Comment ça, monsieur Bello, comment ça? Pas du tout une claque. Le problème, vous voyez, c'est pas qu'on est perdu, c'est que la gauche ait gagné le problème. Il n'y a pas non plus de quoi vendre une frégate à Taïwan, hein, vous le savez bien. Ce Sénat, dans le fond, ça sert à rien, le Sénat. C'est comme l'Assemblée nationale, d'ailleurs, elle sert à rien non plus. Et puis les ministres, je vous le demande, à quoi ils servent, les ministres, hein? Regardez, on a mis Mister Pied Jaune comme ministre des Sports. Tiens, ça vous a bien fait marrer, j'en suis sûr, hein. D'ailleurs, pour ma prochaine campagne, je vais prendre Rire et Chanson comme sponsor. Au moins, si je me prends une claque, je pourrais dire que c'est pour de rire. Et pour la chanson, j'ai ma Carlita. On pourra pousser la chansonnette. Hein. Pour l'instant, elle pousse chez le gynéco. On vient d'apprendre, selon une étude de... Oui. Non, mais assume ce que t'écris, Philippe. On vient d'apprendre, selon une étude, que l'air de Paris serait moins pollué qu'il y a 20 ans. Alors, Bertrand Delanoë, ouais. Vous avez... Vous avez une explication? Bien sûr que j'ai une explication, Philippe Bello, vous pensez bien. Il y a 20 ans, la mairie de Paris était bourrée d'emplois fictifs. Personne travaillait dans les bureaux. Ils étaient tous en train de se balader dans des voitures de fonction d'un restaurant à un hôtel, d'un hôtel au bureau DHL pour récupérer les valises des Rois Nègres. Si, si. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Hein. C'est plus la mairie de Paris qui est bourrée d'emplois fictifs. Ce sont les emplois fictifs qui sont bourrés du matin au soir dans les bureaux de la mairie. Et alors, surtout, la rêve partie oups, sous-sol, ça pollue pas, monsieur Bello. Ah oui, excellente imitation de Frédéric Costel. Non, ne me citez pas. Si. Je suis et épaté. Les textes sont de Philippe Bello. Dénoncez-le. Dénoncez-le. Tu m'as pas fait le cabas cette semaine. Ah. Arrêtez de parler de la mamounia, ça suffit. Il l'a fait très bien. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que j'écoute Europe 1 souvent, donc j'imite Nicolas Canteloup. Oui, c'est ça, on imite les imitateurs, bien sûr. Oui, c'est comme ça. Ouais. Donc, alors, dans ton spectacle, j'imagine qu'il n'y a pas d'imitation. Non, j'ai pas d'imitation, non. Non, il y en a pas. Mais, hein. Mais tu sais ce que je fais? Je fais un truc qui est complètement has-been et qui est très con. Et je prends une petite peluche ventriloque. Enfin, tu sais, une peluche de ventriloque. Oui. Donc je suis pas du tout ventriloque. Et voilà, oui. Et c'est très con. Oui. Et ça marche, les gens, parce qu'après je dis je serai jamais ventriloque et les gens rigolent de ça parce que pendant 30 secondes, il y a un moment de flottement dans la salle. Ils disent mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Après je dis non, vous inquiétez pas, c'est pour déconner. Et ouais. Voilà, ça marche assez bien. Bon, et si on faisait comme si on était au Bourville à Paris ce soir, ah bah oui. et que Gilles Alma nous fasse un petit extrait, qu'est-ce qu'on pensait? Ah bah oui, tiens. Bah c'est une bonne idée. Alors Gilles Alma, s'il vous plaît. Oh là là. Alors il y a un moment dans mon spectacle, je viens de dire aux gens qu'en fait j'ai une histoire avec Sophie Marceau et ça s'est très très mal fini. Mmh. Et je suis dans un moment de doute extraordinaire et je réfléchis. Je dis que finalement c'est vrai que entre mecs, sans les filles, on se fend la gueule. C'est vrai. On est bien, on s'invite les uns les autres, on mange des pizzas dans les cartons, on picole des bières, on rote, on pète, ça pue, on s'éclate. Hein? Vous les filles, vous avez besoin de ranger, faire la vaisselle, jeter les paquets de chips à la poubelle, nettoyer, laver, plier. Oh oh! Arrêtez-vous un petit peu, vous êtes stressante, hein. Bah ça, vous pourriez attendre la mi-temps avant de ranger le bordel, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Tiens, autre exemple flagrant avec ton mec, tu t'engueules? Avec ton pote, pardon, excuse-moi. Lapsus. Avec ton pote, tu t'engueules souvent? Ben non, c'est hyper rare. Ou alors, éventuellement, s'il te pique ta meuf. Hein? Et encore, si t'as la lucidité de prendre une meuf vraiment belle, donc chiante. Si. Il te rend service. Hein? Et oui, c'est ça l'avantage d'une meuf chiante. C'est un petit peu, comme un cochon d'Inde, au bout de 3 ans sous le même toit, t'arrives pas vraiment à t'attacher, hein, c'est un petit peu embêtant. Ouais, c'est ça qui est emmerdant. Non, c'est vrai, faut faire des efforts de communication avec sa copine. Par exemple, il y a ma copine qui me dit, tiens, Gilles, tu peux me dire un petit mot tendre? Escalope. C'est tendre une escalope, non? J'ai des problèmes de communication, ouais, ça m'arrive. Alors je fais des efforts, mais même en discutant avec elle pendant 4 heures, je la comprends encore moins qu'au début de la conversation. Et comme ça dure 4 heures, bah j'écoute plus. Hein? Et je lance des... Hein? Bah ouais. Et à varier, hein, faut varier la technique, attention. Hein? Ouais. Si tu veux. Alors, attention, parce que c'est à cause d'un bah ouais si tu veux mal placé que tu te retrouves le dimanche matin sur le parking d'IKEA à chercher une putain de place parce que c'est blindé. Et là, tu te rends compte que t'es pas le seul à utiliser la technique du bah ouais si tu veux. Merci les gars, ça rassure. Merci. Et ça, oui. Ça sent le vécu. Oui. Je croyais que t'allais dire c'est tellement vrai. Hein. Bon, la suite. Qu'est-ce que j'en sache? Bah, t'y vas sur les parkings d'IKEA, toi aussi, ouais. Pour dépanner les copains. Ouais. On vous racontera ça. Oui. Donc, pub. Alors, si vous voulez entendre le reste, faut venir voir Gilles Alma. Mais non. Alma. Oh là. Pub. Si vous voulez entendre le reste, faut venir voir Gilles Alma au théâtre Bourville tous les vendredis et samedis à 20h30, qui se trouve 11 rue des Boulets dans le 11e arrondissement. Amar, mais qu'est-ce que c'est? Amar, que c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. J'avais une petite question. Le fait que tu parles de Sophie Marceau, il y a un jeu de mots ou pas? Oui, bien sûr. Ouais, je fais un petit truc sur les deux noms. Ouais. D'accord. Ouais. Ça, c'est pour les Parisiens. Hein. Oui. Ah, juste après la pause. Oui. Là, on passe aux choses sérieuses. Ah oui, là, ça rigole plus. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve du trivial. Je vais donc tirer au sort et au hasard. Ça fait des années que tu tires au hasard, Philippe. Deux cartes. Il y a un moment où il va falloir qu'on arrête de la faire. C'est oui. La Pipo et Mario. Non, parce qu'ils l'attendent. Les électeurs attendent. Les gens aiment bien. Oui, voilà. Alors donc que, deux. Alors que Maurice, il peut plus l'attendre. Deux cartes dans le boîtier du trivial de 1985. Ah, c'est important. Une carte par équipe. On va voir qui va gagner. C'est juste après la pause. Retourne, on va se marrer avec Gilles Alma qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Merci. Et qui est prêt à tenter le tout pour le tout dans cette épreuve du trivial. Oh oui. Non, pas n'importe quoi non plus. J'ai donc tiré au hasard. Il a pas embrassé Maurice sur la bouche, non. Deux cartes du trivial dans le boîtier de 1900. Ça, c'est une épreuve. 1985. Non, c'est un suicide. Boîtier important, 1985. Ah oui. Donc, si Philippe te demande de quel pays Moscou est la capitale, tu réponds. La Bulgarie. Non, ouais. 85. Ah, oh là là, alors c'est Moi, 85, j'avais 6 ans. Donc mais ça va. Non, non, non, l'ex-URSS. Voilà, mais non, c'était pas l'ex à l'époque. Ah non, à l'époque, c'était pas l'ex-URSS. Une carte par équipe, 6 questions sur chaque carte. Le but du jeu étant de répondre à un maximum de questions. Chaque bonne réponse, c'est un point pour l'équipe. Si une équipe ne sait pas répondre, l'équipe adverse peut répondre à sa place et marquer le point. Et donc, la règle importante, c'est la règle du cash. Si une des deux équipes, un membre d'une des deux équipes connaît la réponse sans avoir à se consulter, car vous pouvez vous consulter. Mais sur leur question. Sur leur propre question. Eh bien, il peut dire cash et donner la réponse et marquer 2 points, faire marquer 2 points à son équipe. Et si vous n'avez pas compris les règles du jeu, après le 36-32, 15 centimes d'euros la minute. Et immédiatement, Georges Barrier, nous allons pouvoir faire choisir. Je te fais confiance. Faire choisir la première carte. Ah oui. À Bob du club, ouais, qui est donc... Il est mauvais joueur, sinon. Ah bah, tu peux parler. Bob, est-ce que tu joues, Ali, la carte 1 ou la carte 2? Ah, tiens, je vais prendre la 2, cette fois-ci. Et l'autre, il tue les mouches. Oui. Prendre la 2. Donc, la 2, c'est bien celle-ci. On commence par l'équipe des croquignoles. Non, le croquignol, c'est... C'est vous. Ah, c'est nous. Oui. Mais non, c'est Magnum et Derrick. Ah oui, donc on commence par Magnum et Derrick. Ne change pas de carte, hein. Qui sont menés. Vous êtes menés 1-0 pour l'instant. Non, c'est nous qui avons marqué le point. Non, c'est eux qui ont marqué le point tout à l'heure. Parce que en fait, je me suis trompé de côté. Voilà. Cette émission est présentée de la main gauche. Donc, nous allons commencer par l'équipe. Que fait-il de la main droite? Nous allons commencer par l'équipe qui mène, c'est-à-dire l'équipe de Magnum et d'Eric. Merci, Philippe. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais Maurice est... Comment dire, c'est African Queen là. Il chasse l'éléphant dans la jungle. Il arrête pas d'écraser les mouches et après il gueule ouais, quand on le trip de tapette. Non mais Philippe, pour une fois, il les écrase. Oui. Bon, tu vas essayer de répondre aux questions. Je vais essayer. Allez, c'est parti. Top chrono. Partenaire. Où se situe l'action du film de Jean Renoir, Le Fleuve? Le Fleuve. Le Fleuve. Un film de Jean Renoir intitulé Le Fleuve. Dans quel pays se situe-t-il? Ah, dans quel pays? C'est une question de géographie. En Afrique? C'est un pays? Est-ce que... La musique est bonne. En Afrique? Donne-moi la capitale alors de l'Afrique. Commence pas, hein. Je vous rappelle que Bob est très bon joueur, bien sûr. Non, attends, je vais te dire. Allez, Sénégal. Au Sénégal? Non. Est-ce que l'équipe des croquignoles, vous avez une idée sur ce pays de... Moi, je dis... Bah écoute, moi je dirais en France. Allez. Non, c'était en Inde. Ah, au Gange alors? Oui. Oui. Quel est le nom? Et là-bas, ils mettent des fausses moustaches. Hein. C'est le Gange des postiches. Ah. Quel est le nom de la maison? Écoutez bien cette question, c'est une question de cinéma. Ah oui, écoutez bien. Encore. Quel est le nom de la maison où vit John Gielgud dans un film d'Alain René? La maison a un nom. Oui. Alors si vous ne savez pas, vous ne trouverez non, pas. Non, on sait pas, non. Tu sais. Non. Au hasard. La maison du lac? Non. Ah, ça serait bien ça. Ce n'est pas la maison du lac. Est-ce que c'est l'hôtel des Amériques? Non plus. Non plus. C'est la Providence. Ah, Providence. En quelle année? Connu un théâtre. Alors c'est une question pour Bob qui va s'en souvenir. Histoire, oui. En quelle année le franc lourd est-il entré en circulation? Une question pour Bob qui est très fort en histoire. Je peux te donner un indice, c'est l'année de naissance de ma sœur. Ah oui, ça m'aide. Bob alors. T'as une idée toi? Non. C'est Maurice. Tu sais ce que c'est que le franc lourd? Oui. C'est quoi? C'est le franc lourd. Ah d'accord. Non, je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée. On va dire 61. Non. Ah, c'est pas mal. Moi je dirais 1958. 1960. Ah merde. Personne ne marque 2 points. Ah merde. Oui. Quel est le registre de la cantatrice Kirite Kanawa? Très bonne copine de la chanson. Donc c'est une cantatrice d'opéra. Ouais, d'opéra. Je vous demande quel est son registre. Oui, son pupitre. Voilà. Attends, qu'est-ce qu'il y a comme pupitre chez les filles? Moi, comme cantatrice, je connais que Mylène Farmer. Aide-moi. Ah oui. Oui. Alors. J'aimerais bien que le public arrête de souffler. Alti? Alto, non? Oui, Alti. Alti. Non, Alto, non? Un Alto des Altis. Hein, c'est alors, ça, vous me dites Alti. Alti, Alto. Alto, allez. Alti ou Alto? Alto, c'est pareil. Ah non. Oh, ouais, ça va. Non, mais de toute façon, ce n'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Non, c'est singulier féminin entre Alti et Alto. Alors, je pense que Frédéric va trouver, comme c'est un fan de toutes les séries américaines. Medium. Oui. Ah non, ça n'existe pas, ça. C'était Soprano. Ah merde. Ah, tu me tombes sur la seule série américaine que j'aime pas. On marque pas de point. Aucun point là. Ben attendez, cette carte est dramatique. À quelle espèce non. Alors là, ça, je pense que Maurice va trouver. Oui. Ah bah oui. Une question. Ça doit être une espèce de con. Spécialiste en peau de bête. Hein. Oui, justement. À quelle espèce de singe King Kong appartient-il? Ça va. Maurice, cache. Là. Ah ben non, il se consulte. Le gorille. Mais, tu me dis, faut dire. Il a dit cage, gorille. Non, non, il a pas dit cage, vous si, êtes cage. Si, il a dit cage, cage gorille. Gorille. Non. Cage, gorille, c'est quoi? Non, non, je suis voilà. Désolé, ils se il sont consultés. Cage, gorille. Parce que Bob on a dit pas alors que tu crois, etc. Mais non. Et enfin. Je le poussais non. à faire cage. Non, et, non, et enfin. C'est honteux. Quelle est la Monsieur Bello, c'est une honte. Quelle est la distance maximum oui. parcourue par les marcheurs aux Jeux Olympiques? La distance? Oui. La distance maximum parcourue par les jeux, par les marcheurs aux Jeux Olympiques. C'est en kilomètres, c'est. Oui, oui, oui c'est non, mais c'est en kilomètres. Ça, je te c'est le confirme. 32,5. Tu peux donner une réponse en centimètres, mais. 32,5, je crois. Allez, on va dire c'est ça. Et une cache, c'est une cache ou pas une cache? C'est une cache, oui. Alors, faut que tu dises cache. Cache, 32,5. Non. J'en ai aucune idée, moi. Bah, écoute, le marathon, c'est 42. Ouais, mais les marcheurs, c'est 42 en courant. Mais bon, les marcheurs, ça doit pas être autant, sinon ils mettraient des... Ça serait une cata. Je n'en ai aucune idée. Et ils marchent vite, hein. Oui, mais bon. Il y en a même certains qui marchent plus vite que Maurice quand ils courent. Hein. Alors, une réponse. Vas-y, 20 km, je sais pas, vous me croyez seulement. Les autres, ils en font 42 en courant, eux, ils en feraient que 20 en marchant. Bah, je sais pas, sinon ils mettent la journée, les mecs, quand même, non. Bon, bah, non, mais je sais vas-y, pas. Non, mais... vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Non, mais sinon on dit 42. Hein. Ah non, non, non. Allez, 20, allez, 20. Moi, je veux pas... 20 et c'était 50. Ah, oh, 50. Vache. Eh, vous avez on pas... a marqué 2 points. Oui, vous avez marqué 2 points. Mais oui, les... vous avez volé 2 points. Les croquignoles n'ont rien marqué. Et on leur a rien donné. Et ce n'est pas fini, mais par contre, votre carte ne va pas tomber tout de suite, car avant cela... C'est pas comme les mouches. Car avant cela, on fait une deuxième roulette russe. Ah non, pourquoi? Bah parce que c'est bien, parce que, c'est très drôle. Parce que les auditeurs attendent. Ben oui, les auditeurs adorent la roulette russe. Donc, tu t'as vu, t'as compris comment ça fonctionnait. Hein. Roulette russe, toujours pareil, avec des mots qui correspondent à des blagues fétiches de Maurice. Top roulette russe. Araignée, ostréiculteur, skieur juif. Top. Ah, et celle-là, elle fait partie du nouveau répertoire. Mon cher Gilles Alma. Mais tu sais que Gilles Alma, c'est pas son prénom. C'est Gilles, son prénom. Oui. D'habitude, tu dis... Oui, mais lui, mon cher Gilles. Bah, voilà. Et puis ça évite les oui, problèmes. Ça évite des problèmes et tout. Mmh. On a l'impression qu'il lui pose une question. Cher Gilles Alma. Point d'interrogation. Hein? Alors, Maurice. Mais Alma où? Alma donc, où? Alors, c'est donc ces deux skieurs. Ces deux skieurs. Non, c'est pas deux. Oui, bah c'est si. Deux skieurs. Que se disent? Que disent ah, deux. Ah, voilà. Allez, mon allez, cher Gilles. On est reparti. Que dit deux skieurs juifs? Ah, ben je l'ai fait en plus dans mon spectacle, je crois. Ouais, vas-y. Ah ben, c'est pas qui raconte connais. L'histoire. Hein. Que disent deux skieurs juifs qui se croient? De ah oui, des skieurs. Oui. Alors, mon cher Gilles, que. Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Mais ils n'ont pas de nom, ces skieurs juifs? Je ne sais non. pas. Eh ben, shalom. Shalom. Non, mais non. Mais on te l'a dit, mais non. Non, mais attends, parce qu'en plus, s'ils se croisent, s'ils se croisent, à moins qu'ils soient sur le tire-fesse, celui qui monte, faut qu'on m'explique. Hein. Oui. Mais non, pas shalom. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit shalom. Shalom. Mais non. Shalom. Shalom. Voilà. Eh ben, tu vois qui arrive. Allez. Alors, recommence. Shalom. Alors, mon cher Gilles, que dit deux skieurs juifs qui se croisent sur les pistes d'hiver? Ah, il y a des variantes. À Avoriaz. À Avoriaz. À Avoriaz, bien sûr. Donc, tu sais pas. Voilà, tu sais pas. Non, je sais pas. Non, alors, Shalom. Ah oui. Mais non. Non, on peut pas l'accepter. Moi, je démissionne. Monsieur Bello, je démissionne de cette émission. Non, mais c'est pas possible, ça suffit. Moi, je viens dans un bon esprit pour rigoler. Mets ta langue entre tes. Ah non, s'il te plaît. Tes fantasmes ne regardent pas. L'homme. Tu penses à tu penses à un chat avec un chla. Et tu penses à l'homme. Chla l'homme. Voilà, allez hop. Vite, allez. Que dit deux skieurs juifs qui se croisent sur les pistes à Avoriaz. Qu'est-ce qu'ils disent à Avoriaz? Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Oh non. On a appelé l'hospice, venez le chercher. Bon bah Gilles, écoute. J'adore. Mais ne dis pas ça, il va, ça va être pire. Non après. Mais ça l'encourage après. Ça l'encourage à ne pas faire d'efforts. Voilà. Alors Gilles, révise tes blagues, car juste après la pause, il faut balancer la purée de mouche. Retour, on va se marrer avec Gilles Alma. Ouais. Salut tout le monde. Alors Gilles, on les a pas encore cités, mais je crois que tu as des partenaires sur ce spectacle, notamment un metteur en scène. Oui. Il vient quand il veut. Et c'est Christophe Delors, exactement. Oui, c'est le mec de la dernière fois, Christophe Delors. Il est aussi, il fait aussi du One. Oui. Et voilà, et il cartonne sur scène aussi. En ce moment, il est au Réditas. Et voilà, et c'est un super metteur en scène. C'est aussi un pote. Et il viendra vous voir peut-être. On l'a invité en tout cas. Bah écoute, je vais passer le mot parce que c'est bizarre d'habitude, Ribron. On l'a invité. Ouais. Je vais lui faire pompon cucu. Et donc tu as des co-auteurs. J'ai des co-auteurs, ouais, Fred Journet, Manu Dariba, qui sont auteurs et qui travaillent souvent pour la télévision, pour les programmes courts humoristiques, scènes de ménage, tout ça. Voilà, ils bossent très très régulièrement, ils sont super. Donc, je suis bien entouré. Ça veut dire quand même qu'on va pas voir ton spectacle pour pleurer, quoi, grosso modo. Non, écoute, voilà. Normalement, c'est pas fait pour ça, au maximum, mais voilà, je pense que je tiens un truc pas trop mal. Bon. Frédéric viendra peut-être vérifier tout ça. On viendra tous. Il le dira. Bon, on va voir si on est là pour pleurer ou pas, parce que voici la nouvelle tournée de blagues. On fait pas la deuxième carte. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Maurice. Qu'est-ce qu'un chou au fond d'une baignoire? Tu l'as pas déjà fait. Oui, tu l'as fait la semaine dernière, Maurice. Ah non? Un chou marin. Un chou marin. Oui, tu l'as fait la semaine dernière. Tu l'as fait la semaine dernière. Refaisons une autre quand même. Quoi. Plus originale. Oui. T'as pas un petit jingle? France Alzheimer présente la blague de Maurice. J'adore vos jingles. La maîtresse d'école interroge Toto. Quels sont les continents que tu connais? L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et papy, répond Toto. Tiens donc, pourquoi papy? Demande l'institutrice. Ben ma mère dit toujours que papy est un continent. Ah, on la voit pas venir. Elle est mignonne. C'est bien, on la voit pas venir. Là. Elle est mignonne. L'apéritif a été inventé par les hommes afin de donner aux femmes le temps de mettre la table. Non, arrête Bob, celle-là ne sera pas coupée, tu ne feras pas mieux. Le digestif pour donner le temps à faire la vaisselle. Ouais. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait t'arrêter. Mais c'est de votre faute, vous avez coupé au milieu. Vous savez ce que dit un rappeur quand il rentre dans une fromagerie? Une carotte rappeur. Un rappeur qui rentre dans une fromagerie. Au bris. Faites du bris. Maintenant, il va être obligé de couper ses propres blagues au montage. C'est pas facile. Moi, j'avais un petit truc poétique, mais je crois que je vais le garder pour plus tard. GG est pas là, donc faut le remplacer. Donc, c'est un SDF complètement bourré qui va voir une pute. Ah! Et il dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais pour 1 euro? Alors la pute qui en a marre de faire le trottoir, elle regarde, elle lui fait, je pète. Ami de la poésie. C'est du live. Eh ben écoute-moi, c'est une petite dédicace aux joueurs de poker. Allez, deux joueurs de poker acharnés déjeunent ensemble au restaurant. Qu'est-ce que t'as choisi, toi? Demande le premier. Moi, j'ai une paire de Francfort. Alors? Moi j'ai gagné, j'ai un carré d'agneau. Après cette tournée de blagues, oui. Chose sérieuse, ah. La deuxième carte, votre carte, l'équipe des Croquignoles, Gilles et Frédéric. Non. Ah si. Mais si. Mais si. Et ouais, et ouais, c'est, et ouais. Ça. C'est ça. C'est et c'est parti pour vos six questions. Où j'habite. Quel pays compte 26 cantons ? Cache la Suisse. Oui. C'est correct. Il est extraordinaire, ce mec. Où non seulement il est drôle, mais en plus il est intelligent. Où est enterré Gérard Philippe? Dans sa tombe. Sous terre, oui. Oui, mais encore. Gérard Philippe. Eh oui. Donc nous avons un spécialiste du cinéma, ouais, dans la personne de Frédéric Coster. Oui, mais pas des cimetières. Alors, ça peut être soit au Père Lachaise, ouais. Soit à Ramatuelle, parce qu'il était par ouais. Là-bas aussi. Soit à Avignon, peut-être. Moi je dirais Ramatuel. Comme ça, c'est tout à fait au hasard. Ouais. Ouais, c'est correct. Où est le mur des fédérés? Ah merde, le mur des fédérés. Oui. C'est en rapport avec Federer ou. Non, oui. Non, non, non. C'est pas ah oui, d'accord. Alors. C'est pas au Mont-Valérien ça? C'est pas. J'en ai aucune idée. J'ai aucune culture générale. Au Mont-Valérien ? Non. Non. À Paris ? Où exactement ? Ah bah. Ah, c'est pas, bah, c'est pas suffisant. Non. Paris, c'est vaste. Non. C'est un endroit précis à Paris. C'est l'île de. Non, pas du tout. C'est dans un cimetière. C'est dans un cimetière ? Oui. Alors où ? C'est le Père Lachaise, je crois. Bonne réponse de René. Non, mais je le sais. Qui a écrit, je cite, « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Il y a un poète qui a écrit « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Victor Hugo. Non. Alexandre Dumas, bah, c'était Baudelaire. Ah ouais. Ouais, ouais. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Pasteur. T'as pas dit Cash? Cash, Pasteur. Joseph Pasteur, grand journaliste à la télévision. Comment s'appelle la personne qui porte les clubs d'un joueur de golf? Cash, le caddie. Oui. Eh ben oui, c'est correct. Ah ben là, dis donc, ça remonte d'un seul coup là. Oh là là. Ouais, mais pas de l'autre côté, hein. Oh là là là là là. Elle était facile cette carte. Oui, elle était beaucoup plus facile. 3, 4, 5, 6. Plains-toi à Bob, celui-là. Et là, vous êtes mené 7 à 4, Bob. Bah, elles sont, pas grave. Elles font des descentes en piqué, les mouches. Moi, il y a des trucs comme ça, ça m'étonne quand même de ta part. Hein. Non, mais c'est pas grave, on attend la question à 8 points. Excuse-moi, c'est Perlard-Mouche, là. Perlard-Mouche. Alors, puisque nous sommes aujourd'hui, et on ne comprend pas pourquoi, envahis par les mouches, moi je propose quand même que Maurice nous parle un peu de sa maman araignée et sa petite fille. Mon cher Gilles. Oui. C'est la maman araignée qui reçoit sa petite fille et elle lui dit après le dîner. Qui dit à qui? La mère à sa petite fille, araignée. Non, d'abord la petite fille pose une question, Maurice. Oui, la petite fille demande à sa mère « Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ce soir ?» Ah. Et la maman araignée lui dit « Il y a des mouches au chocolat. » Ah, bravo, oh, bravo, voilà. Bravo. Ah non, là, moi, je trouve qu'elle est... Pour une fois, je trouve qu'elle est bien réussie. Oui. Qui ça, Maurice ? Non, la blague de l'araignée, parce que... Ah, oui. Ça n'a pas toujours été comme ça? Non, il me semble que d'habitude, il la raconte moins bien, mais j'en suis pas sûr. C'est l'histoire qu'il a fait la semaine dernière. Ah, oui. Ça, on l'a écrit en gros sur une feuille, hein, pour être sûr qu'il lise bien. Ariel 18. Alors, Maurice! T'as bien mangé? Ah non, mais fais-le depuis le début, quand même. La maman araignée qui dit à son bébé, t'as bien mangé, je te sers un dessert. C'est une mousse au chocolat. Mais non. Mais ça ne veut rien dire. Il a des chips sur sa feuille, il n'arrive pas à lire. C'est mais tout. Ça ne veut rien dire, Maurice. Si tu dis une mousse au chocolat, c'est pas drôle. Ça ne veut rien dire. Une quoi? Une bouche. Ouais, ferme ta bouche. Oh non, mais c'est pas vrai. Une mouche au chocolat. C'est quoi, on s'en fout? Mais de plus, bah oui, quoi? Alors raconte la blague. Hein. C'est une maman araignée qui oui. demande à sa fille qu'est-ce qu'elle veut comme dessert. Ah. Et sa fille lui répond, je veux une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Mais non, une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Eh ben, c'est ce que j'ai dit la première fois. Une mousse. Ah là là là là. Oh et merde, tiens. Je réitère ce que j'ai dit sur Facebook. Si vous allez voir les commentaires, je démissionne de cette émission. Oui, parce que quelquefois les auditeurs se déchaînent sur la page Facebook. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les commentaires sur les blagues de Maurice. Bien sûr qu'on retrouve sur la page Facebook de l'émission. Hein. Donc, si vous voulez les télécharger pour les garder, il y en a quand même un stock. Hein. N'hésitez. Oui, voilà. Si vous avez des problèmes de diction également, vous pouvez écouter l'émission. Ça... Oui, ça vous aidera. Ça vous aidera. Ça vous donnera l'impression de bien parler. Oui. Alors, juste après la pause, nous aurons une nouvelle épreuve. La main passe. Ah. Mais ça mérite une petite pause, donc reste avec s'il nous. Te plaît, oui. On revient avec Gilles Alma. Oui. Retour d'On va se marrer avec Gilles Alma. Ah bon, ouais. Merci, merci. Qui paraît-il n'a pas un physique facile, mais ça, Maurice n'est pas d'accord. C'est vrai. Comment? C'est vrai. Il a un physique très facile. Ah. Et il a où son physique facile? Demande le jingle, niveau, jingle ouais. pub. Allez-y, envoyez la purée. Quelle élégance. Alors, si vous voulez aller voir Gilles Alma. C'est moi. Dans son spectacle N'a pas un physique facile. Oui. C'est tous les vendredis et samedis à 20h. Retour d'On va se marrer avec Gilles Alma. Ah bon, ouais, merci. Qui paraît-il n'a pas un physique facile, mais ça, Maurice n'est pas d'accord. C'est vrai. Comment? C'est vrai. Il a un physique très facile. Ah. Et il a où son physique facile? Demande le jingle, niveau, jingle ouais. pub. Allez-y, envoyez la purée. Quelle élégance. Alors, si vous voulez aller voir Gilles Alma. C'est moi. Dans son spectacle N'a pas un physique facile. Oui. C'est tous les vendredis et samedis à 20h30 au théâtre Bourville. C'est ça. Qui se trouve au 11 rue des Boulets dans le 11e arrondissement à Paris. Si vous y allez par les transports en commun, vous descendez au métro Nation ou rue des Boulets. Mmh. Et pour toute réservation, c'est au 01 43 71 74 60. Et le site internet c'est gillesalma.com. Gilles, bravo. G-I-L. Là, ma part, c'est une nouvelle épreuve, Gilles. Ah. Je vais essayer oui. de vous faire trouver un personnage en vous donnant des informations pendant 10 secondes. 10 secondes d'informations à votre équipe. Vous trouvez le personnage, c'est parfait. Vous ne trouvez pas, la main passe. Et c'est l'équipe des Magnum et d'Eric qui auront leurs 10 secondes d'informations. Je vais donc commencer par l'équipe qui est menée, c'est-à-dire l'équipe de Magnum et d'Eric. Hein, Bob? Oui, oui. Pour trouver nous, on est tous ce personnage. D'accord. Attention, top. Je suis né le 8 décembre 1955. Je suis une artiste française. Dans les années 70-80, je suis souvent invité... Quel est ce buzz? Elle a 60 ans à peu près. Pas... 60 ans moins. Alors, une réponse. Une artiste française? Oui. Une réponse. Je vois pas. Au hasard. Vas-y. Catherine Deneuve. La main. Ans, bien tassée. C'est gentil pour elle. La main part. Artax, oui. Top. Je suis souvent invité chez les Carpentiers ou dans les émissions de Guy Lux. Je me suis produite au Théâtre de la Renaissance à Paris en 1992 dans un spectacle intitulé « J'annonce, j'abats ». Aucune idée. On pif alors. Vas-y. Non, je sais pas. Ce serait donc une... Est-ce que c'est un travelo? Je peux pas vous le dire. Non, mais c'est-à-dire que ce serait une chanteuse, puisqu'elle a été invitée chez les Carpentiers souvent, qui a fait du théâtre en tant que comédienne, j'imagine. Bah, ouais. Elle est née à Paris, t'as dit? J'ai pas dit où elle était. T'as pas née. Dit... Elle est née en 55. Vas-y, essaye, toi. Est-ce que tu... À quoi tu pensais? Non, Amandalire. Amandalire, ouais, je pensais à ça. Non, la main c'est pas ça, c'est repasse. Top. Elle s'est à nouveau produite en 92 au Théâtre Michel dans un spectacle intitulé « Non mais je rêve ». Animatrice à Europe 1 le temps d'une saison, puis à la télévision, souvent aux côtés de... Maurice, coupe ton... T'as une idée? Une chanteuse qui a 60 balais, pas tout à fait. Qui c'est qui a été animatrice à Europe 1? C'est pas Maryse, non? Maryse était une saison seulement. Ah oui, ah Maryse, ouais. ça fait deux siècles qu'elle y est. Ça fait un siècle qu'elle y est plus. Oui, elle a travaillé à la TSF à l'époque. Non, pas d'idée. Juliette Boyer? Non. La main repasse. Top. Puis à la télévision, souvent aux côtés d'Yves Lecoq. J'étais une animatrice célèbre jusqu'à la fin des années 80. Puis j'ai eu une petite fille et j'ai arrêté ma carrière. Ah non, alors c'est peut-être pas celle à laquelle je pense. Je dirais Chantal Galia. Et c'était Chantal Galia. Ouais. C'est qui Chantal? Imitatrice. Galia. Hein? Une imitatrice qu'on voyait souvent. Ah oui, 70. Elle a fait toutes les émissions des Carpentiers. Elle était invitée pratiquement une émission sur deux. Elle imitait Dalida, elle imitait Lynn Renault. Elle imitait Jodassin. Ah bon? Ah oui, elle imitait Jodassin. Ah, ouais. Et c'est vrai qu'elle avait une très bonne émission à Europe 1 dans les années 90. Oui, on y a été avec Fred. Bah, oui. C'est vrai. Ça s'appelait Champagne Galia. Et bien justement, à propos d'imitateurs, nous avons un excellent imitateur dans l'émission, c'est Frédéric Oster, qui nous fait l'amitié de nous donner un petit peu d'actualité avec le flash très spécial. Très spécial. L'avocat Gilbert Collard, fraîchement rallié à Marine Le Pen, a décidé de porter plainte contre Gérard Darmon, qui avait affirmé chez Laurent Ruquier qu'il se trouvait à la droite d'Hitler. Alors, Jean-Marie Le Pen, vous prenez bien sûr la défense de l'avocat. Alors voyez-vous, n'est-ce pas, ce n'est pas parce que ce bolchevique de Laurent Ruquier laisse répandre des ignominies dans ses émissions pour tapette du Marais, n'est-ce pas, et bien sûr je ne suis pas homophobe, que je vais m'énerver. Ah non, c'est parce que je suis de la maison, hein. Alors bon, Maître Collard, n'est-ce pas, Maître Collard, c'est une personnalité blanche comme neige, qui a un parcours sans reproche, candidat à la mairie de Vichy en 2001, ça me plaît bien sûr. Et c'est vrai, en plus, il a toute sa vie d'avocat défendu la veuve et l'orphelin. Ah oui, et vous avez des noms? Ah bah oui, il a défendu Charles Pasqua, Brigitte Bardot, dernièrement ce pauvre Laurent Gbagbo. Au fait, j'ai une bonne nouvelle, hein. Gbagbo, il a retrouvé du travail. Ah bon, où ça? Il est directeur pour l'Afrique des valises Samsonite. Affaire DSK. La justice réclame une confrontation avec Tristan Bannon. Non, Tristan. Tristan, oui, avec Tristan Bannon. DSK, vous en pensez quoi? Ce que j'en pense. J'en pense que j'espère que je vais arriver à me la faire, ce coup-ci. M6 parraine un grand salon de cuisine à Paris et invite de grands chefs pour partager leur savoir-faire avec les visiteurs. Alors, depuis le salon de la Porte de Versailles, nous retrouvons une des chefs invitées, patronne du restaurant Le Sanglier qui Gerbe. Hein? Quoi? Séraphine Ouagamoudou Moudou. Ah, bordel de merde! C'est pas le sanglier qui gerbe, hein, c'est le singe qui fume au restaurant, dis donc. Comment? Tiens, tu as bien dit mon nom cette semaine. Oui, bravo, oui. Bello. Comment il faut te le dire? Alors oui, je suis en direct du salon de la cuisine pour donner des conseils sur la cuisine traditionnelle africaine. Ah, Et là, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on mange traditionnellement en Afrique? Mais tu lis pas les journaux, toi? Rien. Il est vraiment con, hein, votre présentateur. Bon, attends. Ah, attends, j'ai oublié de te dire une bonne nouvelle. Avec la sortie des guides gastronomiques, je viens d'avoir 3 rouleaux de PQ dans le guide Immonium International. Applaudissements oui. Pour Monsieur Bello. Ah oui, excellent, merci. C'est lui qui fait les textes. Oui, bien sûr. Pour vos lettres de menace, vous les envoyez, on transmettra. Oui, oui, s'il vous plaît, envoyez-les à Philippe Bello, pas à moi, j'en ai marre. Alors, Gilles, tu connais le jeu de la photo mystère? Eh ben, tu vas tout me dire, vas-y. Eh bien, reste assis, elle arrive juste après cette pause. Retourne, on va se marrer avec Gilles Alma. Ouais, merci, bravo. merci. Bravo. Alors bravo, Gilles, bravo, merci Frédéric. Bravo, oh, merci ouais. Frédéric. Merci Frédéric. Je te donnerai ton petit chèque tout à l'heure. Merci, Gilles, dans ton spectacle, j'imagine, donc tu nous as expliqué que c'était un petit peu un autobiographique, oui. Mais il y a aussi, j'imagine, des portraits de personnages qui ne sont pas forcément. J'ai un petit coiffeur, j'ai un médium, j'ai des personnages comme ça, j'ai Mage Michel, c'est des personnages un peu rocambolesques. Qui sont des personnages bien sûr inventés ou des personnages que tu as pu côtoyer? Eh ben j'ai pu côtoyer. Après bon, je grossis le trait, hein, bien entendu, mais non, c'est des personnages qui existent. Donc des personnages dont tu as par exemple grossi le trait de la photo. Voilà. Ouh, je sens venir l'enchaînement. Et oui, car chaque semaine nous confions à Maurice une photo mystère. Très bien. Maurice, ça fait des années qu'il grossit plus le trait. Donc une photo mystère que Maurice n'a pas bien sûr le droit de vous la faire voir. Il n'a absolument pas le droit de prononcer le nom de cette photo mystère et il a également un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer non plus. Aïe. À coup de 10 secondes, il donne des informations capitales. Capitales, t'appelles ça ? Oui, qui permettent en général rapidement de trouver à quoi correspond la photo mystère. Très bien. On va commencer par l'équipe qui est menée, donc la sienne. L'équipe. Exactement. Donc c'est Bob en l'occurrence. Pour trouver cette photo mystère. Bonne chance, Bob. Avec des. Merci. Et alors, je vous rappelle que ce jeu peut rapporter jusqu'à 3 points. Ce qui est quand même pas mal du tout. C'était décidé cette semaine, car c'est une photo mystère assez facile. Ah. Maurice, c'est lui qui dit top chrono quand il est prêt. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu es prêt, tu dis top. Alors. Et tu parles tout de suite, t'apparaît. Stop. Oui, ça tourne. Stop. C'est une matière qui peut être en faïence. Qui peut être. C'est le côté rigolo. Oui. Qui peut être. Alors, quand tu vois comment Maurice utilise bien les 10 secondes. Ouais, non, c'est dense. C'est dense. Ouais. Alors, Maurice. C'est dense avec. Alors, Bob, une idée. Une matière en faïence. Non. Qui peut être. Ah, qui peut être. Qui peut être en faïence. Vache chinois. Non. Là. Excuse-moi, un objet ou c'est un portrait? C'est lui. Il a quelque chose, sa photo à d'accord, vous faire deviner. D'accord. Ça, alors attention, 10 secondes pour l'équipe des croquignoles. Maurice, c'est toi qui déclenche. Stop. Ça peut être un groupe d'objets qu'on peut trouver dans une salle de bain. En faïence, groupe d'objets dans une salle de bain. J'aurais dit un. Un service à vaisselle, mais dans une salle. Ah non. Alors, faïence, donc les chiottes, les lavabos. Donc c'est... Alors, une idée, une proposition. Du carrelage. C'est quoi, c'est un ensemble? Ah oui, peut-être. Une salle de bain. Les sanitaires. Ah non. Alors là, c'est pour Bob. Donc là, il faut que tu fasses un effort. Et Bob, je te rappelle, il apprécie que tu utilises intégralement tes 10 secondes. Oui. Je propose d'ailleurs que ça soit Bob qui dit stop chrono. Ah bon? Comme ça, au moins, on est sûr que dès que Bob a dit top, tu peux y aller. Top. Alors, on peut le trouver ça, sur des planches, sur des étagères. Mmh. Ça peut être une parade d'animaux. Mmh. Alors là, je dois dire qu'un. Des santons? Non. Oh non, des santons en faïence. Ah si. Il y en a des santons en faïence. Ça existe en faïence. Alors attention, pour l'équipe des croquignoles. Gilles. On sait toujours pas ce que c'est comme type d'objet. Hein. Frédéric. Attends, pas le dire. Bah, tu peux au moins essayer de te rapprocher du truc. Non. Là, pour l'instant, on sait même pas à quoi ça ressemble. Ah, il dit que ça pas peut. Un synonyme du mot que t'as pas le droit de dire. Non. Comme. Alors, Frédéric et Gilles, t'écoutes. C'est toi qui lis top. Alors, stop. Top. ça stop, peut être. Top. Ta gueule. Non. Il nous a volé des secondes, Philippe. Alors, reprends au début des 10 secondes. On recommence. Bob, il nous a volé des secondes. Alors, redis alors, stop. Disais, et la seconde est chère, je peux stop, te le dire. Qu'on lui dit de dire top. Mais oui, il dit une mousse au chocolat au lieu d'une mousse au chocolat. Alors, Maurice, quand tu veux. Oui, on t'écoute, Maurice. Tu dis top. Top, pas stop. Top. Top. Non, il a rien dit. Ne déclenche pas le chrono, il a dit. Stop. Alors, je répète, ça peut être une parade. Mais ne répète pas, donne-nous des nouveaux indices. Une parade d'animaux qu'on peut. Concentre-toi, Maurice. Trouver en décoration. Ah, décoration. Ah. Une parade d'animaux. Là, vous avez le droit à décoration comme. La faïence, la faïence de Limoges. Non, moi, je joue pas, ça m'énerve. Parce que Fred, la parade d'animaux, il se voyait déjà à Euro Disney, tu sais. Ah oui, je me vois vachement à Euro Disney. Tiens, le jour où j'y foutrais les pieds, c'est que je serais payé. Ah, il y a un appel à... Non, je sais pas. Un appel à cachet. Il y a un McDo, hein. Ah bah, j'y vais. Il y a un KFC. Non. Ah bah non, je vais pas. Alors... Ok, s'il nous emmerde, l'autre, avec sa faïence, là. Alors... De la faïence, une petite parade d'animaux. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on trouve avec ces indices pourris? Une parade d'animaux. Oui, je sais pas, le Conseil des ministres. Dans une salle de bain. Oui, en plus, dans une salle de bain. Oui. Bon, allez hop, pour Bob. Alors, ils ont rien trouvé. Non, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce que je trouve? Ils sont mauvais quand même. Hein. Bah, oui, parce que là, les indices sont très très bons. Mais moi, je suis... Arrête-toi avec tes conneries. Si. Ah, je le dis pas tout le temps. Là, les indices sont très bons. Stop. C'est le cauchemar des ménagères. Bah oui. Car ça prend beaucoup de la poussière. On peut trouver sur un meuble. C'est la jadis. Oui. Ah non. Des bibelots. Oui. Oh! Wow. Donc je rajoute 3 points alors, à l'équipe Magnum et d'Eric. Attendez. Oui, il va y avoir contestation. Non, c'est pas ça. Non, là, je dis non seulement c'est une honte de la part de Maurice. Pourquoi? Mais en plus, c'est une honte. La prochaine fois, t'essaieras de me trouver encore plus con comme photo. Des bibelots, truc précis qu'il faut dire. Bah non, c'est un truc trop général. Je veux bien voir la photo, moi. Ah bah attends, parce qu'avant, excuse-moi. Avant, il y a le mot interdit. C'est nul, des bibelots, c'est trop général. Statuette? Non. Et vous, le mot interdit, qu'est-ce que vous auriez proposé? Ma main dans ta gueule. Ou bonne réponse. Non, alors? J'en sais rien, moi. Vase? Non, vitrine. Oh, ah bon? Ah, bah oui. Ah oui. Il y a vachement de bibelots sous vitrine dans les salles de bain. Dédicace-la. Fais une petite dédicace à Gilles pour qu'il... Oui, je veux bien une petite dédicace. Bah voilà, une dédicace quand même. Un petit bisou avec du rouge à lèvres, moi. Je suis sûr que t'as des bibelots au théâtre Bourville sur scène. Dans les coulisses, voyons. Voilà, et on pourrait avoir un petit extrait, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Gilles, là! Nous, on est venus pour ça. Alors, dans mon spectacle, je parle de la fidélité, parce que c'est un sujet qui, bon, est un peu récurrent, n'est-ce pas, dans notre vie de tous les jours. Hein. Et je demande aux gens, qu'est-ce que la fidélité? Eh ben, moi, je vais vous le dire, ce que c'est que la fidélité, messieurs, dames. La fidélité, c'est le manque d'occasion. Exactement. Eh oui, c'est ça le problème. Et alors, moi aussi, je pose la question. Et alors, où est-ce qu'on trouve quand on dit qu'on doit avoir un seul ou une seule partenaire, où est-ce qu'on le trouve ça? Dans la religion? Eh ben, parlons-en de la religion. Il faut savoir que dans aucun livre religieux, que ce soit le Talmud, la Bible, le Coran ou le livre de la jungle, non, oui, je vous assure, il n'y a aucune restriction quant au nombre d'épouses. Hein, on va pas passer sa vie à mâcher le même chewing-gum, c'est vrai, non? Alors, prenons le judaïsme, par exemple. Hein, dans le judaïsme, Abraham a eu 3 femmes. Et Salomon, des centaines. Plus les skis. Maurice, il a pas eu son flocon, il la comprend pas, celle-là. Les skis. Des centaines de femmes, ça fait rêver, non? Ça peut faire rêver, mais ça s'est arrêté net en l'an 1000. Et là, va savoir pourquoi, il y a un rabbin qui a décidé d'interdire la polygamie pour une durée de 1000 ans. Et là, Tu comprends pourquoi ça s'appelle le mur des lamentations? Ah, fais chier, quel con, fais chier, quel con, fais chier. Merci. Allez, la suite, Maurice. Oui, si vous voulez voir la suite du spectacle, venez au théâtre Bourville voir Gilles Alma tous les vendredis et samedis à 20h30 au 11 rue des Boulets dans le 11e arrondissement à Paris. Gillesalma.com, c'est son site internet pour avoir... Et t'as une page Facebook, j'imagine, aussi. Ouais, j'ai une petite page de Facebook. On peut tout savoir. Ouais, Gilles, faut préciser que ça s'écrit G-I-L. Voilà. G-I-L, ouais. Donc en fin d'émission, généralement, quand il est en forme, Frédéric nous le sort. Ah. Eh bien oui, je vais vous le sortir, figurez-vous. Alors, mais ça, c'est après la pause. Retourne, on va se marrer avec Gilles Alma. Ouais, ouais. Alors vous avez eu très peur avant la pause, on vous l'a dit, Frédéric Koester en fin d'émission nous le sort chaque semaine. Oh bah, si ce sont des habitués de l'émission, ils n'ont pas eu peur. Ben oui, ils savent que c'est... Le petit quiz. Eh oui. D'accord. Voilà. Alors Maurice, le spectacle de Gilles s'appelle... N'a pas un physique facile. Ça veut rien dire ce que tu dis. Ça s'appelle Gilles Alma n'a pas un physique facile. Ah, d'accord. N'a pas un physique facile, c'est pas un titre, ça veut rien oui, dire. Oui, mais tu as dit le nom déjà. Mais qu'est-ce que tu es bête. Donc, donc le. Alors, on peut la refaire, tu oui, la comprends. Oui, oui, on la couvre. Ouais. Donc, Maurice, le titre du spectacle de Gilles. De Gilles, c'est N'a pas un physique. Retour, on va se marrer avec Gilles Alma. Alors vous avez eu très peur avant la pause, on vous l'a dit, Frédéric Koester en fin d'émission nous le sort chaque semaine. Oh bah, si ce sont des habitués de l'émission, ils n'ont pas eu peur. Ben oui, ils savent que c'est... Le petit quiz. Eh oui. D'accord. Voilà. Alors Maurice, le spectacle de Gilles s'appelle... N'a pas un physique facile. Ça veut rien dire ce que tu dis. Ça s'appelle Gilles Alma n'a pas un physique facile. Ah d'accord. N'a pas un physique facile, c'est pas un titre, ça veut rien oui, dire. Oui, mais tu as dit le mais nom déjà. Mais qu'est-ce que tu es bête. Donc, donc le, alors on peut la refaire, tu la oui, comprends. Oui, oui, on la couvre. Ouais. Donc Maurice, le titre du spectacle de Gilles. De Gilles, c'est n'a pas un physique facile. Mais viens de te dire. Non mais c'est moi ou c'est une catastrophe. Tu ne poses pas bien la question, je pense. Bah, alors, il faut quand même rappeler quand même aux auditeurs que l'émission, donc, à l'antenne dure 2 heures, hein, comme chaque semaine, oui. qu'on fait 6 heures d'enregistrement. Bah, hein, on y est depuis 7 heures ce matin, voilà. Il est 23 heures, t'es connu. Alors, on reprend. Maurice, le titre du spectacle. Alors, c'est Gilles Alma n'a pas un physique facile. Oh, bah, c'est pas difficile. Il l'a fait du premier coup. Donc, le quiz de ce soir, ça va être sur le physique, la beauté, la laideur, etc. Bravo. Oh. 8 extraits. Ça bosse. Il y a un duo et un groupe. Et ça, donc, dans les extraits, on entendra le mot beau ou belle ou laid ou moche. Il y a du boulot. C'est bien. Voilà. 8 extraits. Bob, le premier extrait. Ah bah, tu l'as dit tout à l'heure, c'est à la calma. Maurice. C'est le jingle. Eh ben, il y a au moins un truc qui suit. Allez, on note à la maison. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. La belle de Calix a les yeux de velours. La belle de Calix vous invite à l'amour. Moi j'aime les moches parce qu'on se les fait pas piquer. J'aime les moches, on se sent plus beau à côté. Moi j'aime les moches et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches. Les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose. Je me sens pas belle, tu marches vers moi. Je suis le mec plus ultra, le king du Kama Sutra. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles. La beauté cachée, les délais, on se voit sans délai. La beauté cachée, les délais. Alors, t'en as trouvé combien, Gilles? Non, j'en ai deux à tout péter, moi. Non, je te jure, je te jure. Ah non. Tu sais ce qu'on va faire pour les découvrir? Allez, je me décompose. On fait comme Maurice, on la décompose. Le premier extrait, Maurice. C'est le jingle. Sinon, j'ai très, très fort. Alors, Bob, le premier, tu l'as quand même. Oui, c'est le jingle. Non, celui-là. Non, je l'ai pas, non. Bah, enfin. C'est Garou. Moi, je l'ai. Ah oui, quand même. Gilles. Mais je te jure, j'ai un gros trou, un gros blanc. Ah bah ça, on en reparlera après. Si oui. Mais j'aime élargir le sac de mes amis. Ouais. Non, j'ai un. Maurice. Comment? Rossi, voilà. Qu'est-ce Maurice. Ok. Luis Mariano. Ah bah quand même. Luis Mariano. Ah oui, t'as raison. Alors après, c'est un humoriste qui s'est fait connaître en faisant des chansons sur Internet. Alors là, non, c'est pas plus récent. Hein. Alors Philippe nous dit ah, qu'il connaît. Je l'ai. Ah, c'est Boublil. Oui, tu l'avais. Non, je croyais que c'était Julien Doré. Bon. Non, c'est Max Boublil. Ah, c'est Boublil. C'est un humoriste qui avait fait Tu vas prendre. Alors, c'est l'idole de ta femme, Bob. Hein, Michael Jackson. Comment? Michael Jackson. Non. Qu'est-ce que t'as dit, Maurice? J'ai pas entendu. Si, mais il me dit que c'est l'idole de ma femme. Ah bah non. Elle adore Michael Jackson. C'est pas le Belge là. Il est mort. Frédéric François? Non, plus vieux. Franck Michael. C'est Franck Michael. Oh là là. L'idole des maisons de retraite. Aïe aïe aïe aïe aïe. Ça, tu l'as. Putain, je te jure que non. Oh non. Mais t'es pas en forme aujourd'hui. Non, c'est non, une fille, pas, ça. Non, je suis pas bien. Hein, c'est une fille. Un duo. Il y a une fille, un garçon. Ah, c'est Stone et Charbel. C'est Dao. Non, c'est pas ça. Ouais, il y en a une qu'on reconnaît. Elle, on la reconnaît. Catherine Ringer, on la reconnaît. Ah là là. Mais il sait même pas qui c'est. Ah, Catherine donc Ringer. C'est comment le groupe là. Oui, c'est avec Etienne. Avec c'est ça, oui. Avec Marc Lavoine. C'est Catherine Ringer, Marc Lavoine, avec un clip de Modiano. Catastrophe. Bon, celui-là, il l'a. C'est bon. C'est moi? Oui. Je connais, mais je vois. Moi, je ne sais pas qui c'est. C'est un acteur. Ouais. C'est le seul disque qu'il a fait dans sa vie. Il tourne encore ou? Oh, oui. Ah bah là, grande vedette du cinéma français. Du cinéma? Attends, je barre parce que je les confonds en plus. T'avais mis. J'avais mis Jonas, mais je sais, ils ont la même tête. Ah oui, maintenant, ils ont la même tête. Oui. Ouais. C'est pas Jonas, c'est Michel Blanc. C'est Michel Blanc. Michel Blanc. Je supporte pas, moi. Le mec plus ultra. C'est Michel Blanc. Oh la vache, bah non, j'ai mis Jonas. Loin, loin, loin. Alors là, c'est un groupe. Alors normalement, c'est Claude François. Moi, j'ai trouvé Franck Alamo. Franck Alamo, il n'y avait pas de synthétiseur quand il chantait. Donc c'est la reprise de. C'est la reprise de Belle Belle Belle. C'est pas les SDF? Les quoi? Les Vagabonds? Non. Les Forbans? Non, pire. Un groupe des années 80. Pire que les Forbans? Ah, pire. Attends, les Chats Sauvages? Les Charlots? Des années 80! Ah, d'accord. Dan. Ah oui, les Chaussettes Noires. Bah, je vois pas du tout. Non. La vie, la nuit. Ah ouais, non, mais la musique, moi, ça me. Début de soirée. Bravo! Oh là là. Et tu tapes sur la gueule de Boris. Et là. Bob. J'ai pas trouvé le dernier. Ça, t'as trouvé quand même. C'est une fille, ça, qui chante là. Ah non, c'est un mec. Moi, il me désespère. Ah, ils sont deux. C'est Gilles. Gilles. Ben vas-y. Serge. Ah! C'est Serge Gainsbourg, c'est qui veut qu'il chante en reggae comme ça? Oh. Bon, moi je pense quand même, grâce à la dernière réponse de Gilles, qu'on peut applaudir Gilles. Ah, merci. Bah oui, non mais quand même. Ah, là, là, arrête. Ah oui. Arrête. Ah oui. Eh. Comment? Oh. Hein? Eh. Oui. Et mes acclamations. Ah oui, j'ai oublié. Et les acclamations de Don Saluste, alias Frédéric Coster. Ah. Bravo. Qui a préparé Monsieur ce. Monsieur. Viva Don Saluste! Viva Monsieur Hydrole. Oui, mais ça c'est pas. Alors on arrive. C'est pas une flatterie, c'est vrai. Monsieur on arrive. Ah, le comptage des points. On arrive à un moment très important, Gilles. En fin d'émission, c'est le comptage des points. Le suspense. Devant notre huissier de justice, maître Enfoiros. Non, c'est huissier de justesse. Alors l'équipe des Magnum et d'Eric. Ah. Je dois vous dire que grâce à la photo mystère. Ah oui. qui vous a fait marquer 3 points, vous avez capitalisé 7 points. Bravo. Excellent. C'est quand même pas mal du tout. Bravo. Et tout au long de l'émission, je serais curieux de savoir combien on a, nous. Gilles et Frédéric, vous avez marqué 7 points. 7 points. C'est pas possible. Mais alors, il faut nous départager. Alors, Tu vas voir, Acteur Studio. Mais alors, il comment faut nous départager. Alors, dans ces cas-là, on a la mort subite, qui consiste en un ni oui ni non. Je repasserai la semaine prochaine. Non, donc, tu restes là. Le but du jeu, c'est que l'invité, donc Gilles, choisisse avec qui vous allez, l'équipe des croquignoles, faire une partie de ni oui ni non, où je vais essayer Bob ou Maurice au hasard. Je dis au hasard. Et il ne doit dire ni oui ni non pendant. Alors Maurice. Au hasard. Il est fort à ce jeu-là, ah, Maurice. Oui. Oui. Attention, pas de oui et pas de non. Top. Ça va, Maurice? Peut-être. Tout le monde se parle, c'est ça. Oui. D'accord, ok. Bon, t'as vérifié que t'avais pas une mouche qui est tombée dans ton verre? Et c'est la moustache surtout. C'est surtout sur le côté. Et la moustache, tu la tailles comment? C'est le matin avec des ciseaux ou c'est une tondeuse? Tondeuse. Matin. Et le matin, c'est le matin, l'après-midi? Le soir. Le soir, tu fais ça le soir? Et jamais le matin. Pendant l'émission, il a quand même bouffé toutes les frites. Hein. Te laisse pas faire, Maurice. C'est vrai que t'as bouffé les frites, Maurice. Elles sont pas bonnes. Maurice, sont pas bonnes. Mais qu'est-ce que tu préfères? Pète un coup, Maurice. Je te sens tout stressé. Des pâtes. Mais les pâtes, ça se grignote pas. Qu'est-ce que tu peux faire comme grignotage? Des pâtes. Des saucisses. Et des Maurice, saucisses. Ah, t'aimes bien les saucisses. Hein. Maurice, reprends avant moi. Des pâtes. Mais des panzani, des pâtes. Je suis pas Fernandel, moi, pour le faire. T'es pas Fernandel. Tu vas faire bon. Il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. Ne triche pas, Bob. Eh oh! Non, tu préfères Bourville? Eh, hey, ta gueule, tu préfères Bourville? Ce jeu est truqué. Alain Delon. Alain Delon. Mais pourquoi? Parce que à cause de son fils, de sa femme, de qui? Et physiquement, le Gilles Alma, tu l'as trouvé. 2, 3, c'est perdu. Oh là là là là! Bravo! Il a mis plus de 3 secondes à répondre. Il a mis plus de 3 secondes à répondre, il a perdu. Je suis désolé. Ah non, mais écoute, non, il a pas mal joué ce soir. Non, là, je peux pas accepter. Là, je trouve qu'il s'est. Quoi? Il s'en est. Moi, je me barre. Eh, honnêtement, tu t'en es bien sorti, Maurice, hein. Pas mal quand même. Heureusement qu'il s'en est bien sorti parce qu'à son âge, il n'arrive plus à rentrer. Bon, eh bien, moi, je pense quand même qu'on va applaudir Maurice. Bravo. Parce que ce soir, il a quand même pas mal assuré. Quand même, bon. Mais surtout, un tonnerre d'applaudissements pour notre invité, Gilles Alma. Merci. Avec la promo, Maurice. Alors. Pour aller voir, Gilles Alma n'a pas un physique facile. Faut venir le vendredi et samedi à 20h30 au théâtre Bourville qui se trouve au 11 rue des Boulets à Paris 11e. Métro Nation ou rue des Boulets. Bon ben bah Gilles, merci d'avoir participé et puis avoir accepté toutes nos petites bêtises. Non, c'est très bien, c'était magnifique. T'étais déjà venu, bah tu reviendras. Oui, bah avec plaisir, écoute. Hein, merci Gilles, bravo encore. Ciao. N'oubliez pas qu'on vous donne rendez-vous sur Facebook, la page Facebook de l'émission avec les photos et toutes les infos de nos invités. iTunes pour le podcast, c'est tous les mercredis en direct. Et onvasemarrer.com pour les anciennes émissions. Merci de votre patience, à la prochaine. Ouais. Une production Radio Plus.